Comment direz-vous, je ne sais pas combien de temps nous allons rester ici. No sé. Combien de temps? ¿Cuánto tiempo? No sé cuánto tiempo, oui. Nous allons rester ici. Vamos a. Vamos a. Nous allons rester ici. Quedarnos aquí. Oui, très bien. No sé. Je ne sais pas. ¿Cuánto tiempo? Combien de temps? Vamos a quedarnos. Nous allons rester. Quedarnos. Rester. Nous rester. Aquí. Ici. No sé cuánto tiempo vamos a quedarnos aquí. Et comment dira-t-on? Pouvons-nous rester ici quelques jours? Podemos. Podemos. Pouvons-nous? Pouvons-nous rester ici? Quedarnos aquí? Oui, tout à fait. Quedarnos aquí quelques jours, c'est-à-dire plus d'un jour. Unos días. C'est ça, quelques jours, unos días. Donc, podemos quedarnos aquí unos días? C'est à quoi on peut vous répondre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ah oui. No hay problema. D'accord, c'est ça. No hay problema.